sa questure en Espagne, la statue d'Alexandre. Pendant sa questure, l'Espagne ultérieure lui échut en partage. En visitant les assemblées de cette province pour y rendre la justice par délégation du préteur, il alla jusqu'à la ville de Gadès. C'est là que, voyant près d'un temple d'Hercule la statue du grand Alexandre, il poussa un profond soupir, comme pour déplorer son inaction, et se reprochant de n'avoir encore rien fait de mémorable à un âge où Alexandre avait déjà conquis l'univers, il demanda incontinent son congé, afin de venir à Rome pour saisir le plus tôt possible les occasions de se signaler. Les devins élevèrent encore ses espérances en interprétant un songe qu'il avait eu la nuit précédente et qui lui troublait l'esprit, car il avait rêvé qu'il violait sa mère. Ils déclarèrent que ce songe lui annonçait l'empire du monde. Cette mère qu'il avait vue soumise à lui n'était autre que la terre, notre mère commune.